Chapitre 8. Depuis combien de temps as-tu étudié? Je vais parler ici encore et de l'enseignement du maître Omaram, mais aussi du maître Peter Denov, surtout dans le cadre de la fraternité. Et je vais encore parler de certains enseignements du maître Omaram, toujours de cette façon, de ce protocole magique. Je spécifie que lorsque je parlais avec le maître Omaram, de cette façon en tout cas, à un moment je lui disais que j'étais très honoré qu'il parle avec moi comme ça et qu'il prenne beaucoup de temps avec moi parce que pendant ce temps-là il n'était pas libre ailleurs, etc. Et alors il m'a expliqué que les choses étaient beaucoup plus compliquées que cela ou moins simples que cela. Et il a parlé de la firme michaélique, c'était son terme, la firme michaélique, où il disait « je peux parler à 100 personnes en même temps ». Donc il était en train de dire que, avec le corps énergétique qu'il avait à ce moment-là, il pouvait aussi bien parler avec moi et parler avec plein d'autres gens, ou faire d'autres choses magiques, si je puis dire, en même temps. Donc encore une fois, souvenez-vous au début où je disais je ne veux pas trop vous fatiguer et qu'il avait répondu je suis un jeune homme. Oui, on est loin de l'image du vieux maître que j'ai connu qui était hyper dynamique pour son âge mais qui avait quand même 83, 84 ans quoi. Donc c'est aussi une réalité. Et là, on a affaire à quelque chose de très très différent. Alors pour revenir maintenant sur le maître Peter Denov, à la Fraternité Blanche Universelle, au bon fin, il y a une chose que je ne supportais pas, c'est que, comme je le disais précédemment, le maître Peter Denov, c'était un clown. Parce que pendant très longtemps, la Bulgarie et la France étaient en guerre. Il y avait eu cette engueulade entre le maître Peter Denov et le maître Omaram. Je reviendrai sur l'essence de cette engueulade, de ce franchement rupture. Le bon fin était très, très, très condescendant vis-à-vis de la Bulgarie. Depuis lors, les choses ont tourné. Les choses ont tourné politiquement pour des raisons très différentes, qui n'existaient pas en ce temps-là et qui existent aujourd'hui. Premièrement, en France, il y a eu l'ADFI, à l'Association de Défense pour la Famille et l'Individu, qui aujourd'hui porte un autre nom d'ailleurs, enfin bon, je m'en fiche un petit peu, et qui sont toutes ces associations totalement, totalement fanatiques pour démasquer les sectes. En fait, cette association, je les connais très bien, et ils sont 100 fois plus sectaires que la pire des sectes. Ils sont butés, limités, je reviendrai sur ce sujet aussi, parce que je pense que c'est important de parler de ça. Ils sont très très simplistes, très fanatiques et, étrangement, très religieux, extrêmement catholiques, alors qu'ils prétendent être sans religion. Bref, ces associations sont devenues très puissantes contre les associations spirituelles, comme le Bon Fin, par exemple, comme la FBU, qui s'est d'ailleurs énormément écoulée. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais moi j'ai connu la grande salle du Bon Fin plein à ras-bord. Jusqu'à 1200 personnes et on ne pouvait plus rentrer. Quoi. Après le décès du maître Omram et l'attaque de l'ADFI, le Bon Fin tournait à 200-300 personnes. Maintenant, je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de personnes au Bon Fin en été. Mais bon, c'était assez catastrophique par rapport à ce que le maître Omram avait connu. Il avait d'ailleurs demandé qu'on construise une nouvelle salle parce qu'il n'y avait plus assez de place, etc. Bah, finalement, aujourd'hui, on pourrait fabriquer une nouvelle salle, mais pour qu'elle soit plus petite, pas plus grande. Et en même temps, étrangement, comme quoi, lorsque la Bulgarie était sous le contrôle des Russes, la fraternité blanche universelle était interdite en Bulgarie, comme toutes les religions d'ailleurs. Et les membres de la fraternité ont énormément souffert, ont dû se cacher, à tel point que quand ils se sont réunis pour danser la panorythmie, après la libération vis-à-vis de la Russie, les gens avaient oublié. Ils se sont concertés les uns les autres pour se souvenir et retrouver petit à petit la panorythmie, en réunissant des informations, des mémoires des plus anciens qui étaient encore vivants et qui n'avaient pas dansé depuis 50 ans, 40 ans, je ne sais pas. Et quand la Bulgarie a été libérée, lorsque la Russie s'est écroulée, eh bien, c'est assez amusant, la France, elle, s'est écroulée de l'autre côté, c'est-à-dire que les groupes anti-sectes ont frappé. Donc la Fraternité Blanche est devenue diabolique en France et a été libérée et même reconnue en Bulgarie. À tel point qu'aujourd'hui, le gouvernement bulgare paye la fraternité bulgare quand ils font des concerts, quand ils passent à la télévision, ils sont très renommés, très respectés, très reconnus. Et il y a énormément de livres de Peter Donov qui sont publiés malheureusement en bulgare. J'en ai lu plusieurs avec l'aide d'une fille qui me traduisait tout. Et j'ai étudié un petit peu le bulgare, mais pas au point de pouvoir lire un livre. Et maintenant, en étant aveugle, encore moins. Donc, forcément, par le pouvoir politique, la force politique, la Fraternité Blanche française est devenue très sympathisante avec la Bulgarie, avec les sept lacs de Rila, là où se passent les réunions. Ben pourquoi ? Parce qu'en Bulgarie, on a la paix, on est même honoré, reconnu. En France, on est une secte horrible. Alors déjà, au niveau de la psychologie, on peut se poser la question de la valeur d'un crime qui est un crime dans un pays et qui est complètement reconnu et honoré dans un autre pays simplement parce qu'on a passé une frontière. Ceci, on peut vraiment voir le pouvoir politique bien plus que le pouvoir de la secte. Il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'une secte ne semble jamais être une secte de l'intérieur. Quand on est à l'intérieur, on ne voit jamais une secte. Donc vous pourriez dire, ah, Iji est en train de parler de la Fraternité Blanche. Oui, peut-être, pour certains membres du Bon Fin que je connais, tout à fait, on peut vraiment parler de secte. Je suis d'accord. Mais on peut parler aussi de secte très largement par rapport à la DFI, tout comme on peut parler très largement de secte par rapport à un pays ou un groupe politique, ou des décisions politiques, ou la police, ou l'armée. Donc, en français, en vieux français, il y avait le verbe paille-poutrer. Paille-poutrer, c'était un vieux verbe qui n'est plus utilisé aujourd'hui, qui a disparu. On disait tu paille-poutres, et en fait, ça voulait dire tu vois la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre qu'il y a dans le tien. Donc, avant, c'était tellement présent dans le français qu'il y avait directement le verbe paille-poutrer. On avait mis les deux verbes ensemble. Tu paille-poutres. Donc, les groupes anti-sectes sont des groupes de paille-poutrage. Je ne sais pas si le mot existait, mais moi je l'invente. Ce sont des groupes de paille-poutrage. Et aujourd'hui, il est bon ton, en tout cas aujourd'hui, les dernières fois que j'étais au Bon Fin, il était de bon ton de dire que la Bulgarie c'était merveilleux, c'était fantastique, c'était... quelques années avant, vous crachiez dessus, hein. Les gens n'ont pas beaucoup de mémoire, c'est marrant, selon la politique qui va circuler. Et pendant très longtemps, les gens du Bon Fin insultaient le maître Peter Donov. Ce qui, comme je le disais auparavant, me mettait hors de moi, mais vraiment hors de moi, parce que je fais partie d'une école Shaolin, arts martiaux et ainsi de suite, yoga, tai chi, où on respecte nos maîtres. Même si on sait qu'ils n'ont pas été parfaits, on honore nos maîtres pour ce qu'ils nous ont enseigné et l'importance de ce qu'ils nous ont enseigné. Donc cette attitude de cracher sur le maître Peter Donov en glorifiant le maître en moine, c'était quelque chose que je ne supportais pas. Et puis, hop, transformation, changement. Et d'un seul coup, le maître Peter Donov devient super cool, la Bulgarie est merveilleuse par rapport à une transformation politique. Dès que ce courant a commencé à souffler, alors là, il y a eu une armée de réincarnation du maître Peter Donov. Ah bah oui, après il était bon ton d'être la réincarnation du maître Peter Donov. Alors il y en avait plein au Bon Fin. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je ne supportais pas. D'ailleurs, moi, personnellement, j'ai toujours pris les réincarnations à l'envers. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, oui, la réincarnation, pourquoi pas? Mais moi, je serais très honoré de savoir que je suis la réincarnation d'un balayeur ou d'un boucher. Et les gens me disaient, mais pourquoi? Je dis, parce que si j'étais un balayeur ou un boucher dans ma dernière vie, vu tout ce que je fais aujourd'hui, quel progrès! Quel progrès! Mais si j'apprends que j'étais un grand maître avant, mais quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Quelle chute! Donc c'est marrant parce que les gens voulaient toujours être la réincarnation d'un grand maître, et moi, j'ai toujours eu la politique inverse. D'ailleurs, la sœur de ma copine, celle qui s'est fait jeter du bon fin parce qu'elle avait repeint une salle avec le mauvais gars, si je puis dire, elle avait toujours, un jour, elle m'avait sorti un truc, elle m'avait dit, ben moi, j'ai découvert, puisqu'ensuite elle a suivi un peu la spiritualité, elle m'a dit, j'ai découvert que la dernière vie de quelqu'un, c'est toujours balayeur, dame pipi ou boucher. Alors, je rigolais avec elle souvent, je lui disais, ah bon, et d'où est-ce que tu tiens cette théorie-là? Et elle m'a dit, bah, t'as déjà rencontré qu'il soit t'as déjà rencontré quelqu'un qui soit la réincarnation d'une dame pipi, d'un boucher ou d'un balayeur. Donc, ce sont leurs dernières vies. Et il faut bien comprendre le jeu de l'ego. Hein, le jeu de l'ego, il est puissant de partout. Hein. Il est puissant de partout. Par exemple, Maître Omram, avec tout ce que je peux honorer de lui en tant que Cam, en tant que Ivanov, il était de la même façon. Hein. Il faut savoir qu'il était impitoyable, que quand il y avait des erreurs, il était extrêmement strict. Et je me souviens une fois, j'étais à une conférence où quelqu'un avait publié un magazine sur tout son enseignement avec un titre qui ne correspondait pas. Et il a crié comme c'est pas possible à cause du titre, parce qu'on ne lui avait pas demandé le titre. Donc en fait, on lui a fait une surprise totale, on a sorti tout un magazine avec tout son enseignement, c'était publié assez largement, mais le titre ne correspondait pas. Il n'était pas le meilleur titre, quoi. Et là, il criait vraiment en disant, bien sûr, vous me faites un cadeau, vous ne me demandez même pas au niveau du titre. Bon, moi, je serais bien content qu'il y ait ne serait-ce qu'une trentaine d'élèves qui fassent un cadeau comme ça, quoi. Hein? Je veux dire, moi je verrais plutôt super le cadeau et pas non, c'était pas le bon titre. Donc là-dessus, Ivanov, il avait un ego qui était énorme aussi. Hein. En même temps, il critiquait l'ego et il y avait des choses où il n'avait pas du tout d'ego, mais en même temps, sur d'autres aspects, il avait totalement l'ego. D'ailleurs, s'il s'est engueulé avec le maître Peter Donov, c'est parce que le maître Peter Donov lui a donné des ordres que Omram a absolument refusé de suivre. Donc, en même temps, il exigeait une obéissance totale en tant qu'Ivanov, mais lui-même, devant le maître Peter Donov, il a désobéi. Il a dit « je sais mieux que vous » et il a dit « non ». Il a fait le contraire de ce qu'il devait faire, ainsi de suite. Bon, donc on reviendra sur ça, mais il faut bien comprendre que, vous savez, l'orgueil est symbolisé par le lierre, et le lierre, cette plante qui grimpe et qui pousse un peu partout, c'est une plante que vous allez trouver dans les HLM, hein, à Paris, et c'est une plante que vous allez trouver dans les plus hautes montagnes. De tout en bas à tout en haut, l'orgueil est partout. Maintenant, l'humilité n'est pas de se voir tout en noir, mais d'avoir le courage de... Moi, je dis toujours, je sais ce que je sais, par conséquent, je sais aussi ce que je ne sais pas. Voilà, j'essaie d'avoir une définition claire. Si on me demande quelle est ton opinion au niveau des arts martiaux, je n'ai pas une opinion, j'ai une connaissance. J'ai plus de 50 ans d'arts martiaux dans ma vie, si j'ai juste une opinion, je suis un peu débile, je suis un peu grave. Avec 50 ans d'arts martiaux, je fais partie de l'histoire des arts martiaux. J'étais présent, j'ai même eu mes marques dans les arts martiaux, j'ai pas une opinion, j'ai une connaissance. Depuis 50 ans, j'ai vu des milliers de personnes défiler, des histoires différentes, des histoires politiques, d'argent. J'ai pas une opinion, j'ai une connaissance. Si on me demande quelle est ton opinion sur les crop circles, j'ai pas une opinion, j'ai une connaissance. J'ai étudié ça avec une équipe de scientifiques. Pendant une quinzaine d'années, on a visité des milliers de crop circles. Je n'ai pas une opinion, j'ai une connaissance. Il y a une différence entre les informations qui vous sont balancées à l'école, que vos parents vous donnent et que vous croyez être une connaissance toute pure, et la véritable connaissance que l'on acquiert par l'expérience, par l'engagement. Donc on doit savoir ce que l'on connaît, on doit savoir où on a simplement une opinion, et on a parfaitement le droit d'avoir une opinion qui est toute subjective et pas plus importante que l'opinion de quelqu'un d'autre, et puis quand on a une véritable connaissance. C'est très important. Et l'ego va tricher sur les opinions, perpétuellement. Un jour, le maître Mikhaïl Ivanov, parce que c'était son nom, Mikhaïl Ivanov, il va lire une grande prédiction en Inde d'un être très important qui va changer certains aspects du monde, et ses initiales sont OMA. Et il va revenir avec le nom Omram, Mikhaïl, et Ivanov, il va le changer avec A Ivanov, pour avoir un A au début. Et donc, il revient en disant, ben voilà, on parle de moi, c'est OMA, mes initiales, c'est Omram, Mikhaïl, Ivanov. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Ivanov. Et plus Ivanov, parce que sur son passeport, c'était Ivanov, et pas A Ivanov. Voilà. Donc là, il est clair que l'ego Ivanov a bondi sur cette prédiction pour alimenter le fait d'être une grande âme, et on parle de moi dans les prédictions hindoues, etc., etc. En même temps, que puis-je dire ? Il est entouré par des gens qui n'écoutent pas ses enseignements. Il est entouré par des gens qui ne comprennent rien. Donc à un moment, je suis presque, comment vais-je dire, d'accord avec lui. Il est obligé, il est épuisé, il est obligé de jouer des cartes pour avoir une autorité qui permettra peut-être à ses disciples de plus entendre ses leçons. Donc on peut dire, oui, c'est de l'ego parce qu'il veut être la réincarnation, ta-da-da-da. Mais en même temps, c'est quelque part du désespoir. Bon, donc c'est un mélange entre les deux. Maintenant, c'est un jeu dangereux au niveau de l'ego. Voilà. Donc, le maître Peter Donov a été en même temps rejeté et insulté, puis ensuite, quand la politique glisse entre la Bulgarie et la France, honoré et reconnu. Et après, il y avait le livre « Hommage au maître Peter Donov ». Le livre « Hommage au maître Peter Donov », il est sorti quand les choses commençaient à glisser. Hein ? Si vous prenez les œuvres complètes du maître Omram, vous avez le tome 1, qui est très très intéressant, un des plus intéressants, je trouve, parce qu'en fait, c'est l'enseignement du maître Peter Donov. Et Omram ne fait que répéter les enseignements du maître Peter Donov, et le tome 1 est très avancé, parce qu'on est vraiment dans les œuvres et dans les enseignements du maître Peter Donov. Puis c'est à peu près au niveau du tome 2 ou tome 3, mais je crois que c'est le tome 2 déjà, où il y a eu dans l'histoire des conférences cette rupture, cette engueulade. Et après qu'on est dans le tome 2, c'est uniquement le maître Omram, plus du tout en relation avec le maître Peter Donov. Puis après, lorsque les choses s'arrangent politiquement et qu'il est de bon ton d'être avec la Bulgarie, alors, hommage au maître Peter Donov, etc., etc. Donc, il y a la politique aussi de la frate, hein, parce que le maître, hommage au maître Peter Donov, comme tous les autres livres, ce n'est pas le maître Omram qui l'a écrit, hein, c'est la frate qui l'a écrit. C'est-à-dire l'institution politique qui essaie de survivre au regard de toutes ces agressions et autres. Voilà, ça c'était une petite page culturelle pour essayer de comprendre véritablement. S'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui et qui sont avec la frate, je suis sûr que, encore une fois, je serai classé comme un grand diable, simplement parce que je connais l'historique. Et connaissant l'historique, je sais que le maître Omram a donné énormément, qu'il ne courait pas après l'argent ou après le pouvoir. Par contre, je sais aussi comment il était. Tout comme je l'ai dit au début, il n'y a ni ni glorification fumiste d'un être qui est un dieu ou insulte envers une personne. Nous avons une inspiration divine, une essence divine, et puis nous avons des choses. Si je prends ma position pour moi, pardon, aujourd'hui, Iji, je suis avec la divinité quand je médite, je suis avec la divinité, avec la planète Terre, avec la forêt, avec la nature. Et moi, humainement, je suis infiniment triste. Et là, c'est moi, Iji, je suis triste parce que je suis vieux, parce que je suis seul, parce que je suis aveugle, parce que je n'ai même pas d'amour pour moi, même pas une amie. Parce que mes propres enfants, dont plein d'enfants adoptifs que j'ai eus, se sont détournés parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir de problème, quoi. Hein? Et on va pas s'ennuyer avec un vieux papa qui est seul dans son appartement, alors que notre vie est tellement belle et tellement merveilleuse. Moi, j'ai organisé ma maison, mon appartement et l'appartement d'à côté pour protéger la vie de ma mère, qui pendant 4 ans était paralysée. Parce qu'elle était vieille, elle avait un cancer, et j'étais là pour la protéger, pour l'aider, pour aller la voir régulièrement. Et j'étais pas spécialement amoureux de ma mère, mais j'étais respectueux de sa position, de son âge et de l'amour qu'elle m'avait donné. Et maintenant que je suis moi de mon côté maintenant seul dans l'appartement d'à côté, juste l'appartement d'à côté, c'était l'appartement de ma mère. Enfin, c'est toujours l'appartement de ma mère parce qu'on l'a pas encore rendu aujourd'hui. On le rendra dans quelques semaines. Et je suis seul dans les deux appartements et mes enfants, ça ne les concerne pas. J'ai même pas une amie, j'ai même pas une copine, j'ai même pas, je suis seul. Je dois payer le prix de la connaissance. Dans l'humanité, je dois agoniser seul. Et j'en suis infiniment triste. Infiniment triste pour moi et pour l'humanité. Parce que ma solitude et mon agonie dans la solitude n'est que la révélation de l'état de l'humanité. Et force est de reconnaître que la lumière n'est pas passée. Que ce soit avec Omram, que ce soit avec moi, la lumière n'est pas passée. Que ce soit dans le monde, la lumière n'est pas passée. Le monde agonise. Le monde est au service du malin, au service du mal. L'inspiration du mal est partout. Partout. Et cela me rend profondément triste, autant au niveau égotique qu'au niveau d'âme. Quelle tristesse, quel désespoir. Je finirai donc avec une rencontre avec le maître Omran que j'ai eu un jour, toujours de façon magique, à travers ma copine endormie, parce que j'avais lu un livre sur la jeunesse du maître Omran. Et sur ce livre, il y avait une photo de maître Omran, et il y avait au-dessus de sa tête, je crois un peu sur la gauche, si je me souviens bien, une lettre de lumière qui apparaît sur la photo. Donc certains photographes diraient, oh ben c'est une erreur technique. Oui, peut-être. On peut certainement l'expliquer d'une façon technique. Ceci étant, il a quand même un chine au-dessus de sa tête ou un peu sur le côté. Qu'est-ce que le chine? Le chine, c'est une lettre hébraïque. Et si on prend le nom de Dieu, donc le tétragramme, Yod-Heh-Vav-Heh, Yod-Heh-Vav-Heh, il est fait de 3 lettres, dont une lettre qui est répétée 2 fois, Yod-Heh-Vav-Heh. Certains le prononcent Yahvé, certains le prononcent Jéhovah, en fait il y a des centaines de possibilités, c'est pourquoi on l'appelle l'imprononçable, comme Voldemort dans Harry Potter, the one who mustn't be said, no, who mustn't be told. Et cela symbolise les 4 grandes forces, 3 forces répétées, enfin, qui sont la trinité des forces qui a orchestré et organisé le cosmos. Finalement, le nom de Dieu, ce sont les principes, la trinité divine qui a organisé le cosmos jusqu'à la vie de notre ADN, jusqu'à la structure du cerveau. Nous sommes d'essence cosmique. Et Jésus, hein, qu'on appelle le Christ. Le Christ, ça veut dire tout simplement celui qui est oint. Celui qui est oint, c'est celui qui a reçu une huile divine sur lui, d'où le symbole du baptême, ainsi de suite. Christos, ça veut tout simplement dire celui qui est oint, l'énergie du oint. Et cette huile particulière représente le fait de recevoir cette trinité en nous. Hein, ce n'est pas simplement de l'huile, c'est un symbole de cette trinité cosmique, de la sagesse cosmique qui nous pénètre de toutes parts. Et le nom de Jésus, c'est Yod-Heh Shin-Vau-Heh. Donc c'est le nom de Dieu, et au milieu des deux premières lettres, deux dernières lettres, il y a le Shin. Et le Shin, c'est un peu comme un bateau, hein, un dessin qui représenterait un peu comme un bateau. Et c'est le symbole d'un vase qui va contenir toutes les qualités de Dieu. Donc le nom de Jésus, Yeshua, on peut prononcer Yeshua, puisque le Shin, ça peut être se ou che en hébreu, selon les points qu'il y a. Yeshua, donc qui a été traduit par Jésus, je ne sais pas comment ils sont arrivés à ces traductions. Le vrai nom d'origine, c'est Yeshua. Et c'est donc les qualités de Dieu, Yod-Heh, Shin, Yod-Heh, Vau-Heh, et au milieu, il y a le Shin, Yod-Heh, Shin, Vau-Heh. Donc le Shin, dans cette image-là, c'est vraiment très important, c'est-à-dire c'est celui qui représente l'incarnation des qualités divines. Le vase magique qui est l'incarnation des qualités divines. C'est pas mal quand même, hein? Et Maître Omram, il a une photo de lui quand il a une cinquantaine d'années, 40 ans, j'oubliais, avec le Shin qui apparaît magiquement au-dessus de lui qui flotte. Et ce jour-là, j'ai discuté avec le Maître Omram et je lui disais, Maître Omram, vous dites toujours que votre enseignement, c'est pour tout le monde. Or, je vois que vous n'êtes pas exactement tout le monde. Avec ce que j'ai pu lire sur votre jeunesse, sur ce qui s'est passé avec le maître Peter Donov, avec cette photo par exemple, et tout cet ensemble de choses, vous n'êtes pas exactement tout le monde. Donc vous avez été capable de recevoir l'enseignement du maître Peter Donov, en répétant que cet enseignement est pour tout le monde, mais en même temps, vous vous êtes accompagné de manifestations magiques extraordinaires. Donc, moi, j'y vois une contradiction. Je suis. C'est clair que c'est magique, c'est fantastique, c'est merveilleux. Et je ne suis pas du tout contre, hein. Mais en même temps, c'est très particulier d'imaginer que vous exprimez que c'est un enseignement qui s'adresse à tout le monde. Et quand je lui expliquais ça, et il m'a dit, alors, depuis combien de temps as-tu recommencé l'enseignement? Alors je lui dis, en vrai travail, quoi, ça faisait 3 ou 4 ans à peu près. Donc je lui dis, 3 ou 4 ans. Et il m'a dit, et alors, tu voudrais avoir le niveau que j'avais après 30 ans de travail? Continue à travailler et tu verras comme ce que tu présentes est un peu misérable, hein, quelque chose comme ça. Et j'étais un peu perdu. Alors on m'a dit, est-ce que tu trouves que ta façon d'étudier est une façon normale? Il faisait référence au cours qu'il me faisait en venant à travers ma copine. Non, non, c'est vrai que finalement, non, c'est quand même pas classique, c'est vrai. Alors il disait, alors tu vois que toi non plus, tu n'es pas complètement normal, n'est-ce pas? Oui. Et après, il m'a dit une chose, il me disait, alors, depuis combien de temps as-tu recommencé à pratiquer notre enseignement, qui est l'enseignement du maître Peter Donov et l'enseignement du maître Omram Mikhaïl Ivanov? Alors, c'est là où je lui ai dit, ben, ça va faire environ 3 ans ou 4 ans. Et c'est là où il m'a dit, alors, continue à travailler. Et tu verras un peu comme ce que tu dis est ridicule. Ridicule, je ne sais plus comment il disait. Et donc, j'étais surpris, hein, surpris de ça. Et c'est tout. Il n'a pas donné de choses supplémentaires. Depuis combien de temps as-tu recommencé notre enseignement, qui est l'enseignement du maître Peter Ustinov et l'enseignement du maître Omram Mikhail Ivanov? Environ 4 ans. Continue à travailler et tu verras comme ce que tu dis est un petit peu ridicule. Et cette réponse, qui était pour moi quelque peu mystérieuse, si je puis dire, hein, j'insiste sur cette réponse parce que plus tard, dans d'autres chapitres que je pourrais expliquer, vous comprendrez l'importance de cette chose. Dans le sens où les maîtres de lumière savent parfois enseigner quelque chose qui est comme une plante, une graine plantée, mais qu'on n'est pas encore capable de faire germer. Et on est capable de parler de certaines choses et d'aller de l'avant. Dans une pratique, en sachant qu'il nous faudra du temps pour arroser et faire germer cette graine. Donc là, je vous fais participer à un enseignement un peu plus mystérieux du maître Omram, qui deviendra clair plus tard lorsqu'il a enseigné d'autres choses. Donc pour le moment, tout comme moi dans mon initiation, vous resterez un peu sur votre faim. Quel était le but de cette réponse un peu mystérieuse, qui, je le précise, j'avais trouvé plus tard, ne répondait pas complètement à ma question, parce que si moi, d'un seul coup, maintenant, parce que j'étudie avec le maître Omram de cette façon fantastique, je suis moi aussi quelqu'un de fantastique, le fait est que ça ne répond pas à la question, est-ce que cet enseignement est accessible pour les gens normaux? Et la réponse n'avait pas été totalement donnée. Depuis lors, évidemment, j'ai encore travaillé sur la question et étudié de façon différente. Et ce que j'ai pu découvrir, c'est que les gens normaux, quelque part, ça n'existe pas. Que nous sommes tous divins. Et que nous avons malheureusement un esclave, l'ego, qui est devenu le maître du navire. Et que ce maître est tout puissant pour étouffer l'ego. Voilà. Voilà, je suis désolé, on m'a interrompu, comme vous avez pu entendre. Je fais un enregistrement tout à fait spontané. J'avais de toute façon pratiquement fini. Et ce que je voulais simplement expliquer, c'est que tout être est divin, tout être est exceptionnel, mais tout être a un ego exceptionnellement stupide et puissant. Et que l'éducation d'aujourd'hui nous enseigne sans arrêt à renforcer l'ego, à renforcer le pouvoir et le fascisme de l'ego, les mensonges de l'ego, l'arrogance de l'ego, l'opinion de l'ego, le pouvoir de l'ego. Et tout est fait pour endormir et rejeter la lumière. Et je pense que des histoires comme la mienne, si elles ont à voir aussi avec les réincarnations, avec le chemin d'âme que j'ai pu avoir avec l'endroit d'origine d'où je viens en tant qu'âme, qui me donne un pouvoir plus grand ou peut-être une inspiration plus grande. Je voudrais clarifier le fait que cette inspiration plus grande n'a pas rendu mon âme plus puissante, mais mon ego plus faible. C'est très différent. Je pense que l'inspiration de l'âme n'est pas un pouvoir plus grand de l'âme. Ou peut-être que le pouvoir de l'âme, c'est de rendre l'ego plus faible, plus discret, plus humble, plus disponible, plus prompt et apte à travailler et à s'adapter. Donc, cette promptitude à l'humilité, à la disponibilité, à la transformation, au mouvement, c'est une chose que vous pouvez acquérir à tout moment dans votre vie. Peut-être parce que vous avez un accident, peut-être parce que vous êtes triste, déçu, illuminé, inspiré par votre âme ou inspiré par un événement difficile, intense, traumatisant. Bref, il y a plein de possibilités différentes dans votre vie de rendre votre ego humble et donc votre âme libre et donc de vous rendre exceptionnellement lumineux. Et je suis souvent haï et détesté, rejeté et condamné parce que je suis le diable. Seulement, je n'ai jamais été le diable pour la lumière. J'ai toujours été le diable pour l'ego. Et je sais bien que les égos me détestent. Il y a peu de temps, je parlais avec Mathieu au téléphone, qui me racontait exactement la même chose par rapport à lui. Lui qui passe sa vie à suivre l'intuition, qui passe sa vie à protéger des animaux, qui passe sa vie à agir, à faire des choses, il m'a déclaré qu'il y avait souvent des gens qui le détestaient, qui l'agressaient, qu'il avait devant lui des tsunamis de rage, de colère. Et oui, c'est absolument normal. C'est la rage de l'ego. L'ego qui est hautement en danger lorsqu'il rencontre un ego qui est au service de l'âme. Et ça, c'est terrifiant pour l'ego. Parce que cela pourrait faire jurisprudence. Cela pourrait stimuler mon propre ego à commencer à être humble, pour commencer à me tourner vers la lumière au service de l'âme. Et cet exemple-là, c'est terriblement dangereux. Et au regard de ceci, l'ego peut devenir horriblement monstrueux, violent, impitoyable. Parce que l'ego, c'est tout cet état neutre de cet état de société diabolique. Et votre ego, il n'a appris que des horreurs. D'être impitoyable, sans merci, dans une trahison totale, dans une méchanceté absolue. Complètement, totalement et absolument. C'est bien triste, mais c'est comme ça. C'est même terriblement triste, mais c'est comme ça. Le maître Peter Donov, et là-dessus, le maître Omram a eu des problèmes. Le maître Peter Donov travaillait énormément sur l'humilité de l'ego. Et il faut bien reconnaître qu'en Bulgarie, avec des paysans, avec des gens qui travaillaient la terre, avec des gens qui devaient avoir de la discipline, qui se levaient le matin pour aller labourer, ce sont des gens qui ont développé une certaine humilité. Et l'enseignement du maître Peter Donov est beaucoup plus passé là, et c'est pourquoi il a eu un tel retour positif. Hein. 50 000 disciples, sans internet, sans électricité, sans pub, c'est quand même très fort. Juste des conférences et des exemples, mais les gens parlaient avec enthousiasme. Aujourd'hui, oui, je crois que je pense que de mon opinion est que... Et quant au maître Omram, il avait étudié aussi, je crois qu'il devait être prof lui aussi. Donc c'était un intellectuel. Hein. Quand il arrive en France, il a 37 ans et c'est un intellectuel. Et en tant que tel, il est beaucoup plus apte à expliquer l'enseignement du maître Peter Donov, mais en même temps, il est beaucoup plus apte à l'orgueil. Et il aura donc dans sa vie, à certains moments, des crises d'orgueil, parce que l'intellect formé est immédiatement intoxiqué à travers l'enseignement de cette société dans l'orgueil, l'arrogance, je suis beau, je suis merveilleux, je suis fantastique, je suis blablabla, blablabla. Il y a des légendes que le maître Omram a développées. Par exemple, à Fréjus, hein, parfois ils allaient se promener sur la plage, puisque le bon fin c'est à Fréjus, Fréjus, Saint-Raph, et le maître Omram ne se mettait jamais pieds nus. Et il expliquait qu'il avait des pieds exceptionnels et que si les gens les voyaient, blablabla, blablabla, donc il ne se mettait jamais pieds nus. Et il a largement encouragé la légende des pieds du maître Omram. Et je sais que certains, vous entendez ça, vous allez dire « qu'est-ce que c'est que cette connerie ?» Mais ça, ce sont des petits aspects de danger, de l'ego. Hein. Le coup des pieds, c'est pas l'âme, hein. C'est l'ego, il faut être clair. Et quand vous entendez ça, vous, vous aurez tendance à dire « mais il est en train de critiquer le maître Omram. » Non, je suis en train de critiquer Ivanov. Avec son ego. Le maître Omram, c'est l'énergie Omram, l'âme qui a rendu Ivanov quand même humble, même si à des moments il a eu ses petites crises, et Ivanov qui n'existait plus du tout en tant que maître Omram, une fois qu'il parle avec moi directement. Et vous savez, vous constaterez que les... Peut-être pas, parce que maintenant c'est un peu... Maintenant, c'est moi l'ancien. Mais quand j'étais jeune au bon fin, et que je rencontrais des anciens, les anciens, alors vous aviez trois catégories. Vous aviez ceux qui disaient « Frère Michael », bah bien sûr, hein, parce que j'étais copain avec Omram avant, donc moi je l'appelle seulement « Frère Michael ». Et puis après, vous avez le maître Ivanov, bah ça c'est la deuxième génération. Moi j'ai connu Ivanov, hein, donc moi je l'appelle maître Ivanov. Et puis la troisième génération, ceux qui disaient « Le maître Omram » ou « Le maître Omram Michael Ivanov ». Voilà, donc je vais dire dans toute simplicité que moi je fais partie de la troisième génération, et encore plus, puisque moi j'ai rencontré le maître Omram beaucoup plus en âme, en énergie, qu'en pouvoir d'ego. Et le fait que les gens du bon fin disent, certains frères Michael, maître Ivanov ou maître Omram, ben, c'est que de l'ego encore une fois, hein. C'est pour bien montrer, houhou, moi je suis à ce niveau-là, moi je l'appelle frère Michael, ah oui, moi j'ai connu le frère Michael. Bien sûr. Donc si c'est le frère, si je suis le frère du frère Michael, je suis quand même pas loin d'être un maître, hein, moi-même, si je l'appelle frère Michael. Bah évidemment. Et avec un petit coup de pub en plus, je suis la réincarnation du maître Peter Donov et c'est reparti comme en 14. Donc on étudie la lumière qui est le chemin de l'humilité avec un infini orgueil. Et l'ego se remet dans le milieu pour tout gâcher. Finalement, la réincarnation n'a pas grande importance. Ce qui importe, c'est ce que je suis aujourd'hui, le chemin dans lequel je m'engage chaque jour et chaque seconde de ma vie aujourd'hui. Ne pas mentir, ne pas se mentir à soi-même. Voir quelle est la puissance de la lumière aujourd'hui, complètement et totalement aujourd'hui, en moi, en chaque seconde de mon existence. Voilà, donc le plus important de tout cela, c'est de comprendre sans aucun cinéma derrière la logique véritable du chemin de lumière et du chemin de cohérence. Et de laisser ce chemin nous guider et mesurer chaque centimètre, chaque millimètre de notre existence, tout simplement. Merci.